cours numéro 10. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Faman yurid yaqra. أحسنت. ما هو الباب الذي أخذناه قبل هذا أي في آخر درس؟ تفضل. باب ما جاء في الرقى والتمائم. وقلنا أن الشيخ رحمه الله في الترجمة لم يذكر الحكم. لماذا؟ Dans le titre de ce chapitre, Al-Mu'allif rahimahullah, il n'a pas cité est-ce que c'est mina shirk ou la. Pourquoi? نعم لأن في الرقى تفصيل. فما هو هذا التفصيل؟ عندما لا لا في الرقى نحن في الرقى نعم فالرقية المشروعة أي بالقرآن أو بالأذكار المذكورة في السنة فمشروعة جائزة أما القرآن أو الرقية بعياذا بالله بالاستعاذة بالشياطين أو بالسحرة فهذا لا شك أنه حرام عياذا بالله استعاذة بالشياطين بالشرك بالله عز وجل ما معنى التمائم قال صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم نعم شيء يعلق على الأولاد أو على غير الأولاد pourquoi من العين أي pour préserver du mauvais œil ou autre ما حكمها هذه التمائم تفضل لا وطبعا نحن التمائم من القرآن أولا Tu dois citer les deux catégories fi tama'im. Thumma tu fassal. A'id. Na'am. Na'am. Wa qismun. At-tama'im ala qismi. Ay, ces choses qu'ils accrochent des petits livres. Enfin, si c'est min al-Qur'an, il y a un hukm. Si c'est min ghayr al-Qur'an, il y a un hukm. On commence par At-tama'im min ghayr al-Qur'an. Na'am, ala hasab al-i'tiqad. Ça dépend. C'est du shirk. Li'anna, c'est pas min al-Qur'an. Donc c'est du shirk. Lakin, ala hasab al-i'tiqad. Faddal, ça peut être du shirk akbar. أحسنت إذا اعتقد أن هذا الشيء أي هذه التميمة إذا اعتقد أنها تدفع الشر بذاتها بنفسها سيكون شرك أكبر لأن يبونس كسيت شوز تتصرف في الكون مثلا سبت جديد وإلى العقيدة أنه سلوكي غبوس المال هذا سيكون شرك il y en a un petit livre, au ghayrihi min al-makhluq, il ne peut pas repousser al-shar. Wa shirkun asghar, faddal zayd. نعم إذا اعتقد أن celui qui repousse le mal c'est Allah سبحانه وتعالى لكن يظن أن هذه التمائم سبب فقط هذا سبب الشرك أصغر كما قال الأخ لأنه جعل سببا ما لم يكن سببا لا شرعا ولا قدرا donc سبب الشرك أصغر c'est وسيلة إلى الشرك الأكبر donc التمائم Ça peut être du shirk akbar ou shirk asghar, ça dépend de la aqidah. Comme taqaddam fi al-bab alladhi qabla hadha fi al-khayt wa tout ce que ba'd an-nas ils accrochent. Ma ja'a fi na'am min al-shirk libs al-halqa wal-khayt. C'est le même hukm. Baqi al-an wa shaykh al-islam il a cité hadhihi al-mas'ala qala rahimahullah وخص منها الدليل ما خلا من الشرك أو هذا صفة الرقية نعم قال لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف أما المعلق سيسكي أكخشي سيسر من القرآن فالعلماء اختلفوا لكن على كل حال سيبا ماذا سيبا دو الشرك لماذا لأن القرآن c'est كلام الله عز وجل صفة من صفاته donc on est sorti du shirk dans ce cas لكن العلماء اختلفوا القول الراجح ما هو تفضل أنه لا يجوز لماذا pour trois choses la première لأنه لا دليل على نعم il n'y a pas de دليل على هذا الشيء الثاني أنه عام أي النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرقى والتمائم إلى آخره الثالث نعم سد الدريعة ربما نحن on a cité plusieurs points alors que ça rentre dans le premier لكن سهل la dernière chose qui est importante عندك تفضل نعم سنوسيلة إلى الشرك لكن أخرى شوز نعم قد يمتهن وكذلك البوان que vous avez cité أن يلتبس على الناس les gens ils sauront plus faire la différence entre التمائم من القرآن ومن غير القرآن لأن si c'est un petit livre qui est accroché en apparence on ne sait pas ce qu'il y a dedans ويلتبس على الناس ils font plus la différence et ils pensent que التمائم سجائز مطلقا هذا سفتح باب شرع عظيم على الأمة هذا القول الصحيح كما قال الصاحب فتح المجيد رحمة الله عليه وكذلك الشيخ عبد الرحمن السعدي dans notre الشرح أن القول الصحيح c'est interdit تجتنب حتى سيسي من القرآن لكن من حيث الحكم سيسي من القرآن c'est pas du shirk هذا خلاصة الباب الذي تقدم c'est un باب مهم Si tu as compris ces règles, fil shirk al-akbar wal asghar, tout ce qui est lié avec le sabab wa at-ta'alluq wa al-i'tiqad, fa bi'idhnillah 'azza wa jalla, tu auras compris beaucoup de masail fi at-tawhid. Que ça soit ma yata'allaq bi at-tama'im ou bi ghayriha. Et jami' al-mu'allaqat, ce que les gens ils accrochent pour se préserver d'un mal ou pour recevoir un bien. Istafadna min kalam ahl al-'ilm une qa'ida muhimma quand est-ce que c'est du shirk akbar ou asghar thumma qala al-shaykh rahimahullah babun man tabarraka bi shajaratin aw hajarin wa nahwihima ça ressemble aux masail précédentes lakin huna c'est ma yata'allaq bi at-tabarruk vous connaissez le mot baraka فالتبرك c'est demander le baraka والبركة c'est le khayr فمن تبرك بشجرة أو حجر أو نحوهما ونحوهما celui qui demande le baraka ça peut être مثلا en se frottant dessus ou en la touchant, cette chose, que ce soit un arbre, une pierre ou autre. Cheikh al-Islam, كذلك, on a, il n'a pas cité le hukm, wa sayati ma'ana al-adilla, insha'Allah. قبل هذا, لابد من مقدمة في التبرك. أولا, on y مناسبة الباب. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى أنه استمرار في ذكر الشركيات المنافية للتوحيد أو كماله. Cheikh al-Islam, رحمة الله عليه, avec ce bab, il continue à citer des choses, des a'mal que certains nas y font, et en fait, c'est du shirk. Imma ça annule le tawhid complètement, on l'a vu dans certains cas avec tamaim ila akhire, ou ça diminue le tawhid. Dans certains cas, c'est du shirk asghar. Al-Muhim, Cheikh al-Islam, au début de Kitab al-Tawhid, il cite des abwab pour démontrer بعض الشركيات. ومن الشركيات التبرك بالمخلوقات. Et on verra qu'il y a un tafsil. أولا البركة هي ثبوت الخير في الشيء ودوامه. C'est ça البركة. ثبوت الخير في الشيء ودوامه. مثلا on dit هذا الكتاب فيه بركة. C'est un livre qui a beaucoup de bien. Et كثير من الناس استفادوا منه. Et pourquoi ce livre, il y a de la baraka? Pas à cause des pages ou de sa couleur, ou parce que c'est un tel qui l'a écrit. La fihi baraka limada li annahu fihi ilmun. Qala Allah, qala Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qala ulama'u l'umma. Fihi khair. Donc, al baraka, c'est al khair. Falihada, l'arabe, ils appellent al ma. Qui est rassemblé dans un endroit et il y a beaucoup d'eau, où yastavid minhun nas, il l'appelle al-birka. Al-birka, bi kasr al-ba. Ça a la même base que le mot baraka. At-tabarruk, si tu as compris hada, fat-tabarruk, c'est un talab. Ay, demander cette baraka. Wa huna, c'est important de savoir anna al-baraka c'est min khasa'is Allah azza wa jalla. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui rend cette chose فيها بركة لا غير. قال الشيخ صالح للشيخ حفظه الله تعالى في التمهيد والنصوص في القرآن والسنة دلت على أن البركة من الله جل وعلا وأن الله هو الذي يبارك. فساس من أفعال الله عز وجل الخاصة به عز وجل. فأنا فبا دير أن فلان يبارك أو تلك شوز تبارك في كذا أبدا. Celui qui rend cette chose fiha baraka, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. قال الشيخ صالح وأنه لا أحد من الخلق يبارك أحدا. Donc ça nous montre أن هذا الفعل أي الجعل البركة في الشيء c'est من خصائص الله عز وجل. قال الله سبحانه تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. Beaucoup de versets فيها تبارك كذلك قول الله عز وجل تبارك الذي بيده الملك. فالسلوي كي مي دو خير dans une chose, du naf' dans une chose, de la baraka dans une chose, c'est Allah subhanahu wa ta'ala wahda. Si t'as compris هذا, ça nous montre que demander البركة من غير الله عز وجل c'est du shirk. Pourquoi? لأن هذا المخلوق عاجز, il est pas capable de se donner un bien lui-même, comment il va le donner à un autre? انتهى كلام الشيخ صالح قال الشيخ باختصار هذه البركة أو بلطو التبرك ينقسم إلى قسمين. Et ça c'est important, c'est حكم الباب pour comprendre est-ce que c'est du shirk أم لا, est-ce que c'est permis أم لا. Deux catégories de تبرك. النوع الأول مشروع, c'est permis. النوع الثاني ممنوع, أي ce n'est pas permis. المشروع هو الذي دل الشرع أن في هذا الشيء بركة. أي demander la baraka d'une chose, le bien d'une chose, c'est permis dans un cas, أي si on a un délit من الكتاب أو من السنة أن هذا الشيء فيه بركة. Cette chose, il y a de la baraka. On a le droit في هذا الحال. مثلا الأنبياء والرسل فيهم بركة. Baraka dhatiya, leur date fihi baraka. قال عز وجل في عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام وجعلني مباركا أينما كنت, أي عيسى عليه الصلاة والسلام وهكذا جميع الأنبياء إذا في ذلك بركة أكزت. فلهذا c'était مشروع, on a dit c'était لأن à notre époque c'est plus valable, c'était مشروع التبرك بذات النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتبركون بعرقه وشعره وفضل وضوئه. Pourquoi? لأنه يبي دو خير. Dans ses cheveux عليه الصلاة والسلام يبي دو بركة. C'était permis à son époque التبرك بشعره. لماذا؟ لأن الأنبياء فيهم بركة. أما t'as deux situations là. Après les prophètes, vu que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam c'est le dernier, après notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, si, مثلاً, واحد il a des cheveux du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou autre, يجوز التبرك به. لكن, il faut bien comprendre هذه المسألة, أن tout ce qui est propagé الآن, أن telle chose c'est les cheveux du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou la canne du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou son sabre, ou ses vêtements, tout ça c'est du kadib. لأن من أخبرهم أن هذا الشيء هو prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que beaucoup l'un vous trouvez dans des musées dans certains pays, أن cette chose ça appartient au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout ça c'est du kadib. الله أعلم بهذه الأمور. أما dire que c'est au prophète sallallahu alayhi wa sallam, تحتاج إلى دليل. Donc notre époque on ne peut plus faire هذا الشيء. النبي صلى الله عليه وسلم il a été enterré et il ne reste plus ses cheveux ou autres. فهذا أولا. Deuxièmement, في حياته عليه الصلاة والسلام وهذا تقدم c'était permis. فلهذا الصحابة رضي الله عنهم ils se précipitaient quand النبي صلى الله عليه وسلم il faisait l'eau d'eau à récupérer l'eau. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم il l'a touché et son corps il était مبارك عليه الصلاة والسلام. هذا c'est permis. Donc on conclut هذا c'est pour الأنبياء والرسل. أما غير الأنبياء والرسل لا يجوز. Même si l'insan il fait partie de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même si l'insan il a du ilm, il a un fadl, la yajouz at-tabarruk bih. Ça c'est khas bil anbiya wa rasul. Amma al-baraka mathalan fi al-ulama fi al-salihin c'est fi a'malihim la fi dhawatihim. Mathalan al-ulama leur vie a de la baraka, ay min hayth al-ilm, at-ta'lif, at-tadris, at-da'wa, tout ça c'est de la baraka. Lakin pas barakat ذات, la barakat fi'l. فلهذا نحن, si on veut profiter de cette baraka, que ce soit un homme pieux, un savant, on n'a pas besoin de se frotter. Kama yaf'al ba'd al-juhal. Ou se rendre dans leur tombe et prendre min al-turab, annahu fihi baraka. Tout ça c'est min al-bida', min al-khurafat. Bel ça peut être du shirk, kama zayati, inshallah. Celui qui veut profiter de la baraka de al-akhyar, al-ulama, al-salihin, tu les suis fil khayr et tu profites de leur ilm. في هذا الحال تبقى profiter de بركة العلم وبركة السنة. أما autre face des بدع et des خرافات. كذلك من البركة أو التبرك المشروع بركة بعض الأمكنة. Certains endroits فيها بركة. C'est pour ça qu'une عبادة dans certains endroits c'est mieux que dans d'autres. مثلا الحرم مكة المسجد الحرام. Celui qui fait une salat fait le masjid al-haram fa akhbara an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu sa'akibu à 100 000. Wa hakadha al-masjid al-nabawi wa hakadha al-quds al-masjid al-aqsa. Tout ça c'est des endroits mubarak. Qala azza wa jal subhana alladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawla. Al-masjid al-aqsa il est mubarak min Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'il y a une différence. Et c'est pour ça que Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a cité deux choses pour celui qui médite. Anna hadhihi al-masajid al-thalath, al-masjid al-haram wal-masjid al-nabawi wal-masjid al-aqsa. C'est pas pareil dans deux cas par rapport aux autres masjid. Min hayth al-thawab, une salat fil masjid al-haram ça équivaut à 100 000, fil masjid al-nabawi à 1000, fil masjid al-aqsa à 500. Donc il y a une différence avec les autres masajid. Pourquoi? لأنها سيدي مساجد مباركة فيها بركة. كذلك من حيث شد الرحال, Le prophète sallam, il a interdit de voyager pour rendre visite à une mosquée, sauf هذه المساجد الثلاث. المسجد الأقصى والمسجد النبوي والمسجد الحرام. أما بعضهم يسيد كذلك الاعتكاف أنه خاص بهذه المساجد لكن الصواب سك الاعتكاف عام بقت المساجد وأنتم عاكفون في المساجد هكذا قال عز وجل إلى بخص المسجد برابور أن أتر donc certains أمكنا فيها بركة et on a cité المسجد الأقصى et autres كذلك certains moments فيها بركة مثل ماذا أحسنت مثل ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر فيها بركة من الله سبحانه وتعالى cette nuit elle est mieux que mille mois en ibadah وهكذا شهر رمضان هكذا le dernier tiers de la nuit tout ça c'est des moments فيها بركة فالذي يريد يستفيد من البركة من الخير يجتهد في العبادة à ces moments أما Ceux qui font بعض الجهال et c'est le deuxième قسم التبرك الممنوع et demander de la baraka dans ce cas c'est interdit أما celui qui voyage مثلا pour aller à Mecca pour faire salat في المسجد الحرام الحقيقة il espère faire salat dans ce masjid لماذا لأن فيه بركة هذا c'est مشروع بل c'est une عبادة طيبة نافعة وهكذا celui qui se rend masjid al-Aqsa si peu ou le masjid nabawi ou il fait des efforts sur Ramadan ou il fait des efforts dans les 10 premiers jours de Dhul-Hijjah ou la nuit du destin tout ça il y a des adillah c'est pour ça que le musulman il doit multiplier les efforts dans ces moments ou ces endroits amma il n'y a aucun délit face ça ouvre une porte au shirk et c'est at-tabarruk al-mamnu' هذا ينقسم الى قسمين at-tabarruk al-mamnu' il se divise en deux minhu ma huwa shirkun akbar wa minhu ma huwa shirkun asghar et vous verrez que ça ressemble au tafsil qu'on a vu auparavant fi tamaim qala fadilat ash-shaykh al-allama salih al-fawzan hafidhahu Allah ta'ala kama fi mawqi'ihi ar-rasmi ay une fatwa sawtiya il pose la question an at-tabarruk fa qala at-tabarruk bil-qabr hadha sanglob al-qabr wa ghayr al-qabr ay bi makhluq ya aucun dalil أنه هي une بركة خاصة به فالتبرك بهذا المخلوق بالقبر قال إذا كان يعتقد أي celui qui demande la baraka de la tombe إذا كان يعتقد أن القبر يمنح البركة فهذا شرك أكبر si il a la croyance أن القبر peut donner de la baraka أي du bien du خير مثلا بعضهم يتبركون أي يزبغ الخير أي الشفاء la guérison هذا سبب الشرك أكبر. لماذا؟ لأنه يعتقد في مخلوق عاجز أنه يبلده. il a la croyance que ce مخلوق qui est incapable, il est mort. Il lui يتبرك به. Et il pense que c'est lui qui peut l'aider. فهذا سبب الشرك أكبر. عياذا بالله. Et vous avez compris la condition qu'on a citée أنه il est عاجز. أما واحد qui demande à son frère de l'aider dans une chose, il est capable, c'est pas du shirk abadan. قال, donc, shirk akbar, c'est clair. أنه يعتقد أن هذا المخلوق, si on cite l'exemple du qabr, أنه lui-même il donne de la baraka. تقدم معنا أن البركة c'est من الله. بل, يا حديث صحيح, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال, البركة من الله. البركة من الله, لا من غير الله عز وجل. فcelui qui pense que le qabr, c'est lui qui donne le baraka, هذا سيد الشرك أكبر. دوزيم ك قال أما إذا اعتقد أن البركة من الله يعتقد أن البركة من الله. il a la conviction, il est sûr que le baraka c'est min Allah. c'est Allah سبحانه وتعالى qui donne, qui élève, qui met du bien dans telle chose, dans tel endroit, dans telle personne. لكن وإنما القبر سبب فقط. لكن il pense que le قبر c'est une cause مثلاً, il se rend dans la tombe de tel wali et il prend de la terre et pour lui il sait que cette terre elle ne peut rien donner et ce mort il ne peut rien donner لكن il pense que c'est un sabab هذا قال فهذا شرك أصغر ça c'est du شرك أصغر لماذا عند من سبب شرعي ولكن ليس بشرعي نعم، لأنه يعتقد أن هذا سببا وليس بسبب. أي il pense que c'est un سبب alors que c'est pas un سبب. Et c'est du أصغر. لماذا؟ لأنه il a la conviction أن البركة c'est من الله. Donc cette عقيدة ça fait pas de lui un كافر, لكن le fait de placer, de mettre une cause qui n'est pas à sa place, c'est du شرك أصغر. لماذا c'est du شرك أصغر؟ العلماء il appelle شرك لأنه c'est une وسيلة. أي c'est une porte ouverte au شرك أكبر. بعض الناس ربما ils vont commencer par هذا ثم avec le temps يدن بالله ربما الشيطان يزين لهم هذا الفعل فيعتقدون أن الميت المقبور c'est lui qui a donné telle chose يدن بالله. على كل حال إنسان يجتنب. هذا خلاصة الحكم في هذه المسألة. Donc on récapitule. التبرك ça se divise en deux catégories. La première مشروع أي بالأنبياء والصالحين بذواتهم، وهذا سفيني عن notre époque لأن الأنبياء والرسل ils sont tous morts عليهم الصلاة والسلام. Et on précise, on a un as qui propage rien, un as les cheveux du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou ses vêtements ou tout ça, c'est du kadib et c'est des khurafat. هذا أولا. كذلك on a cité des autres exemples baraka dans certains endroits, dans certains moments, dans certains endroits comme à Mecca, le Masjid al-Haram, المسجد الأقصى كذلك dans certains moments كرمضان أو ليلة القدر إلى آخره. Deuxième catégorie تبرك ممنوع. أي أوكن دليل أن cette chose يجوز التبرك بها. مثلا القبور. Est-ce qu'il y a un délil qui nous rend permis de demander le baraka d'une tombe? أبدا. بل الأنبياء والرسل ils ont mis en garde contre هذا الفعل وسيأتي معنا des preuves من كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه. هذا زي ما فهم. C'est important de comprendre حكم الباب. كتاب التوحيد il est très très simple à comprendre, لكن il faut la bonne méthodologie. فأنت tu apprends le باب. ثم première étape, pourquoi شيخ الإسلام il a cité هذا الباب dans كتاب التوحيد؟ Il est où le rapport entre التبرك بالشجر والحجر et التوحيد؟ Le rapport il est clair. أن الشيخ il démontre أن التبرك بالشجر والحجر أي demander la baraka aux pierres, aux arbres, aux tombes, ça c'est min amal al-mushriki. Et on a cité التفصيل quand est-ce que c'est du shirk akbar, quand est-ce que c'est du shirk asghar. ثم pour comprendre كتاب التوحيد, une fois que tu as compris مناسبة الباب, pourquoi شيخ الإسلام il a cité, tu comprends le حكم. هنا شيخ الإسلام il a pas cité le حكم. Tu trouveras le حكم في الأدلة et العلماء dans الشروحات. C'est pour ça que c'est important d'étudier un shurh. Il t'explique أن هذا c'est من الشرك avec le tafsid أي أكبر أو أصغر, ça dépend du cas. Si tu étudies le livre Hakada, Inch'Allah ça sera très simple. أما tout retenir au départ, tout noter, voilà, je conseille d'aïman les frères de ne pas tout noter, d'écouter, comprends le bab que c'est du shirk, pourquoi, et apprends-le par cœur, et t'inquiète pas les favoris. Les fawaïd qu'on vous cite, c'est dans les shuruhat. Le jour où Allah subhanahu wa ta'ala yifta alayk, tu t'améliores en langue arabe, tu achètes le shuruhat, t'as plus qu'à prendre un daftar. Et anta, tu as compris le livre, tu l'as étudié, tu l'as appris par cœur, alhamdulillah, et tu notes les fawaïd. Maintenant, tu lis ce bab. Bab min man tabarraka bi shajarin ou hajarin ila akhirin. Thumma tu lis shuruhat ahl al-ilm. Cheikh Al-Uthaymeen, rahmatullah alayhi, قال. Cheikh Al-Fawzan, قال. Cheikh Abdurrahman bin Hassan, رحمه الله قال ستستفيد. أما vouloir tout au début, tout noter, tout cerner dès le départ, فهذا ربما ça sera difficile au départ. فركزوا أنتم المتن. Et كلام الشيخ سعدي في الشرح il est très simple avec حكم الباب et ستستفيدون إن شاء الله تعالى. C'est pas من الحكمة أن الطالب il s'éparpille au départ. Là au départ fais des efforts sur le متن, apprends-le par cœur. Comprends l'explication de Cheikh Saadi qu'on lit ensemble. Yakfi. Amma de le départ, tu veux lire dans tous les shuruhat, tu veux comprendre kalam ahl al-ilm dans tous les abwab. Certaines masa'il, en haqiqa, nous résumons. Amma il y a des shubuhat, il y a des ishkalat, ahyanan il y a des tafasil beaucoup plus détaillés. C'est pas une al-hikma de tout citer l'an. Étape par étape. Tu verras que dans la lecture de Fath al-Majid, Inch'Allah ta'ala, fiha khir kabir, il a détaillé dans des masa'il et il a répondu à des shubah. Et كذلك رد على بعض المشركين هذا إتاب بخيتاب إن شاء الله تكون بخضغة أكثر. ثم قال الشيخ رحمه الله وقول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إلى آخره الآيات. قال العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى في الملخص مناسبة الآية للباب أن فيها تحريم التبرك بالأشجار والأحجار واعتباره شركا، فإن عبادة هذه فإن عباد هذه الأصنام المذكورة إنما كانوا يعتقدون حصول البركة منها بتعظيمها ودعائها. زي بلا كومباريزون سامونتر فقه هذا الإمام أنه إلى سيتي التبرك بالأشجار والأحجار ونحوهما كذلك للتوم أي المخلوقات que ce soit un arbre, une pierre, une tombe, et il a comparé avec فعل المشركين avec ce verset. كانوا يتبركون باللات والعزى إلى آخره. Et c'était des مشركون. فتوس ceux أي الذين يتبركون بقبر. On prend cet exemple, il y en a, c'est ce qui est propagé الآن. كثير من الناس ils ont cette شفاعية بالله. فسيز ont la croyance أن هذا القبر peut leur emmener un bien أو repousser un mal. لماذا؟ لأنه il est مبارك. فهذا هو الشرك الأكبر. C'est ça qui veut te démontrer شيخ الإسلام avec هذه الآيات. أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى. اللات والعزى ومنات c'était des idoles, des statues. Pour certaines des statues et pour d'autres des arbres ou un rocher qui était adoré من دون الله عز وجل par Quraysh. لماذا؟ لأنهم pensaient que cette chose فيها بركة. Et الشرك هكذا. Au début, c'est une عقيده. أن cette chose مباركة. مثلا بعض الجهال الآن, ils pensent أن tel tombe, elle n'est pas comme les autres. Pourquoi? لأن فيها بركة. لأن الميت il était مبارك. طيب. Deuxième étape, أنهم construisent sur la tombe. Pourquoi? لأن sa tombe, ce n'est pas comme les autres. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم nous a interdit de construire sur les tombes. لأن on n'a pas le droit de différencier une tombe avec celle d'un autre. لأن ça ouvre des portes de shirk. ثم une fois que cette tombe elle est embellie, construite, إلى آخره, بعض الجهال ils se rendent الزيارة pour cette tombe. Pourquoi? لأن فيها بركة. فيزورونه. ثم l'étape suivante, أنهم يدعونه. أو قبل ذلك, peut-être que certains ils vont penser que c'est qu'un sabab. فيزورونه يتبركون لكن en pensant que c'est un sabab فقط. أما لو عقيدة لفلا. ثم une étape qui vient ensuite, عياذا بالله, أنهم يدمند أسمه. Pourquoi? لأنهم il est aimé عند الله, il est مبارك. فيدمند أسمه. وما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا. يدمند أسمه pour qu'il les rapproche d'Allah. فالنية c'est pour se rapprocher d'Allah. لكن الفعل il fait que éloigner d'Allah سبحانه وتعالى, c'est du shirk akbar. الحقيقة هذا الاستدلال لقوي de la part de شيخ الإسلام. قال رحمه الله شيخ الفوزان إنما كانوا يعتقدون حصول البركة منها بتعظيمها ودعائها. فالتبرك بالقبور كالتبرك باللات. Vous avez vu le lien. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. الله سبحانه وتعالى cite les idoles de هؤلاء المشركون à l'époque du prophète صلى الله عليه وسلم. Cheikh al-Islam, il t'a cité le verset pour te montrer qu'il n'y a aucune différence. Celui qui demande le baraka de Allat ou Al-Uzza ou Manat, une statue ou des arbres ou une pierre ou une tombe, il n'y a aucune différence. Limada, pourquoi il n'y a aucune différence? Indaman, Indak. Limada, il n'y a aucune différence entre toutes ces choses. Naam, li annaha makhlouqa. Il n'y a aucune différence. Une tombe s'est créée, une pierre s'est créée, un arbre s'est créé. Il n'y a pas de différence. Fallait yajouz. On avait dit, al-baraka c'est min Allah. Fait celui qui veut demander al-khayr, al-huda, la guérison, qu'Allah il le préserve du châtiment, al-jannah, il veut être élevé, il veut du ilm, il demande à Allah la ghayr, azza wa jal. Et il fait les asbab, mashrou'a. Amma, sabab, na'am. Mathalan, wahid, il veut que sa salat elle soit multipliée. Est-ce qu'il va aller demander à une tombe ou à un mort? Là, c'est du shirk. Hada, il peut faire un sabab, il voyage, il fait l'umrah ou le hajj, et yuksir min as-salat fil masjid al-haram, sa salat elle sera multipliée. Limadha? Li'annahu c'est un sabab shar'i, il est cité vi as-sunnah. Vous avez compris? Hada. ثم إلى ست حديث أبي واقد قال عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر أي هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم venaient de se convertir à l'islam. حدثاء عهد بكفر أي il n'y a pas longtemps qu'ils étaient sortis من الكفر رضي الله عنهم. قال وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم. السدرة سان نعب. هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم ils étaient avec le prophète صلى الله عليه وسلم et ils se dirigeaient en direction de Hunayn pour une bataille pour le jihad. Enfin, ils sont passés à côté d'un arbre. Ou les mouchrikoun, ils accrochaient leurs armes, leurs sabres, ils l'accrochaient à cet arbre. Ou les mouchrikoun, ils sidra. Les mouchrikoun, ils avaient un arbre. Ya'koufoun indaha. Ils restaient à côté de cet arbre. Wa yanoutouna biha aslihatahum. Limada, ils restaient à côté de cet arbre. Et limada, ils accrochaient leurs sabres à cet arbre. Les anhum, ils pensaient que cet arbre fihi baraka. Exactement comme ils font les mouchrikoun aliyaw. من القبوريين أنهم يpassent des heures à côté de la tombe لماذا لأنها pour eux il y a de la baraka et كذلك ils accrochent des choses. C'est exactement la même chose. Le fi'l c'est هو هو. C'est pour ça que c'est du shirk akbar, c'est du shirk akbar, il n'y a aucune différence. قال يقال لها ذات أنواط. Cet arbre il avait un nom, ذات أنواط. فمررنا بالسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. Vu que هؤلاء il n'y a pas longtemps qu'ils se sont convertis رضي الله عنهم ils avaient une bonne intention ils ont demandé au prophète صلى الله عليه وسلم كذلك نحن veut un arbre. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر. Ça nous montre une فائدة عظيمة أن الإنسان il n'est pas à l'abri. Si à cette époque, Ha'ula radiyallahu anhum, ils ont posé cette question, ceux qui sont venus après, ils doivent faire des efforts. Akthar fil ilm. Kadhalik, ça nous montre qu'un insan peut être touché par ce qu'il voit. La gravité de vivre avec des ashrar. Lianna rubbama, tu vois une chose et tu penses que c'est du khayr. Falihada, النبي صلى الله عليه وسلم nous a interdit de rester vivre avec les mouchriquins لأن الإنسان قد يغتر. كم من الناس اغتروا à notre époque اغتروا, on ne parle pas des معاصي الأخير لا كفر صريح. Tout ce qu'il y a, la laïcité, la démocratie, la liberté de religion, tout ça, ça contredit au sol dinina. لماذا اغتروا؟ لأنهم vivent avec هؤلاء. Et كذلك il y a à notre époque, il y a une deuxième cause. Même si tu ne vis pas avec eux, fais attention de ne pas te mélanger avec eux avec l'intermédiaire des médias. Sur Internet, ou leurs livres, ou leurs journaux, tout ce qui est médias. Ihdhar, li'anna al-qulub dha'ifa. L'insan rubbama yaghtar. Une chose, en fait, elle est claire, mais le contexte des choubah ila akhirif, l'insan, iyadam billah, il tombe dans cette chose. وهكذا سنموت وسيأتي معنا أولي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن وفي رواية بالفتح السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم وفي رواية السنن من كان قبلكم رواه الترمذي وصححه. كذلك ça nous montre أن هؤلاء الأخيار quand ils ont su ils ont délaissé. Ça nous montre هذا أن الإنسان il peut ignorer une chose لكن si on te montre في الدليل الشرعي accepte. أما العناد ça fait du mal. أما l'ignorance ça arrive l'insan تلتبس عليه مسألة أو oh, il sait pas une chose لكن quand on te montre بالدليل accepte. والعلماء ils ont un كلام كثير بهذا. On l'avait lu ce بعض الفوائد في شرح القواعد الأربع لأن الشيخ الإسلام il a cité هذا الحديث كذلك في القواعد الأربع. قال الشيخ الفوزان مناسبة الحديث للباب أن فيه دليلا على أن التبرك بالأشجار وغيرها شرك وتأليه مع الله. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى. Et vous avez remarqué, le Nabi صلى الله عليه وسلم leur fi'l, il l'a comparé à qala innama qultum kama qala banu israil li Musa ij'al lana ilahan kama lahum ahliha. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a comparé هذا الفعل انه c'est du ta'abbud. فلهذا نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك ان demander à un مخلوق une chose qu'il y a qu'Allah qui peut donner. فلا شك ان c'est mettre هذا المخلوق au niveau de l'ilah. لان à qui on doit demander نحن c'est à Allah سبحانه وتعالى. فلهذا c'est du shirk بالله عز وجل. قال الشيخ عبد الرحمن في فتح المجيد رحمة الله عليه: ففي هذا بيان أن عبادتهم لها بالتعظيم والعكوف والتبرك، وبهذه الأمور الثلاثة عودت الأشجار ونحوها. À cause de ces trois choses, les gens ils ont adoré les arbres, كما فعل هؤلاء المشركون، كذلك les tombes à notre époque, et tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. بالتعظيم أنهم ils élèvent ce مخلوق à un rang qu'il n'a pas. Tellement qu'ils aiment هذا المخلوق. ربما c'est un savant, ربما c'est un صالح. Ils l'élèvent et ils exagèrent. Ça c'est la première étape. Deuxième, العكوف. Et rester à côté de la tombe, ça ouvre un bab de char. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم nous a autorisé de visiter les tombes. لكن العكوف c'est interdit. Vous connaissez le mot اعتكاف. الاعتكاف. الاعتكاف c'est moulazamat makan, rester dans un endroit. Al-i'tikaf, c'est mashrou' fi al-masjid. Fi Ramadan, c'est mashrou', comme il l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Amma al-ukuf 'inda al-qubur, ça ouvre un bab de shirk. Et c'est min al-ta'zim al-bid'i. C'est une bid'a et ça ouvre les portes au shirk. Donc, on répète, al-ta'zim exagéré, al-ukuf, c'est-à-dire rester. Pourquoi les annahoum pensent que la troisième chose, al-tabarruk, il y a de la baraka. Ces trois choses, elles sont liées. تعظيم ثم عكوف ثم تبرك. C'est ça les trois causes du shirk, عياذا بالله. نقرا كلام الشيخ سعدي pour résumer هذا الباب. قال رحمة الله عليه: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما أي فإن ذلك من الشرك ومن أعمال المشركين. فإن العلماء اتفقوا على أنه لا يشرع التبرك بشيء من الأشجار والأحجار والبقع والمشاهد وغيرها، فإن هذا التبرك غلو فيها. أولا تقدم معنا التفصيل. سيدي الشرك، سي الإنسان يعتقد أن هذا المخلوق، هذا القبل، هذا الشجر، سيلوي كي دون لو بيان، سيلوي كي دون البركة، هذا سيدي الشرك أكبر. سي بونس كو البركة سي من الله، لكن سي إن كوز فقط، مثلا دالي فيغ تيل أرب أو فيغ تيل تون. حقيقة لا أدوري أترك الله، لكن هذا الفعل سنوسيلة إلى الشرك الأكبر إسد الشرك أصغر. انتهينا من الحكم. ثانيا الشيخ سعدي رحمة الله عليه هنا يغبط الاتفاق لسي مهم الإجماع أنه لا يجوز التبرك أي دوموندي البركة دي بيير أو دي زارب أو دون تل أندروا، هذا لا يجوز. فلهذا عمر رضي الله عنه الخليفة الراشد quand à son époque il a su que certains gens ils venaient visiter voir al-shajara التي حصلت تحتها البيعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Ils ont fait le bay'a au prophète صلى الله عليه وسلم, bay'atu ar-ridwan تحت الشجرة, comme c'est cité dans le Coran. إذ يبايعونك تحت الشجرة. Omar رضي الله عنه لما علم أن بعض الناس venaient voir إلى آخره, il a fermé le bab, il a coupé l'arbre. حتى les gens après ils savaient plus c'était quel endroit. Ça nous montre que les Sahaba رضي الله عنهم ils ferment هذا الباب. فلهذا ما يفعله البعض quand ils vont au Hajj ou au Umrah, انهم ils essayent d'aller dans tel endroit لان النبي صلى الله عليه وسلم il était tel endroit, هذا c'est pas مشروع. مثلا غار حراء, la grotte de Hira où le prophète صلى الله عليه وسلم il a reçu là les premiers versets, c'est pas une sunna d'aller visiter cet endroit, بل c'est un باب شر. فلهذا المملكة العربية السعودية دولة التوحيد font beaucoup d'efforts pour empêcher les gens à ouvrir هذا الباب. ولله الحمد الله سبحانه وتعالى il a mis en place cette دولة تدافع عن التوحيد, وإلا سسغي un pays de خرافة et de بدع وربما انتشر الشرك. فلهذا on n'a pas besoin نحن de هذا. بعضهم quand ils vont à المدينة ils visitent les 7 مساجد et il visite tel endroit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est parti. C'est pas minas sunnah. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, certains endroits, il nous a dit de les visiter. Matala le masjid Quba. Tu vas et tu fais le salat. C'est un ajr azim. Amma at-tawassu' fi hadha sawra bab shar. Amma l'an, le mushkil à l'époque où on vient, les gens se tabarrakoun bi ba'd az-zanadiqa. As-sufiya wa rawafid yatabarrakoun wa ya'budoun des zanadiqa, des kafara, des malahida. Akfar min al-yahoud wa al-nasara. C'est ça le musib à l'an. Thumma qal. فإن هذا التبرك غلو فيها وذلك يتدرج به إلى دعائها وعبادتها وهذا هو الشرك الأكبر. C'est pour ça qu'on a dit même l'asghar, un واحد qui se rend dans tel tombe et il reste et il pense que c'est une cause, ربما petit à petit حتى يتم في الشرك الأكبر عياذا بالله. لماذا؟ لأن من الغلو, l'exagération, et l'exagération c'est parmi les plus grandes causes du shirk. تقدم معنا كلام شيخ عبد الرحمن رحمه الله عليه التعظيم اي الغلو. قال كما تقدم انطباق الحد عليه وهذا عام, اي الشرك الاكبر, وهذا عام في كل شيء حتى مقام ابراهيم وحجره النبي صلى الله عليه وسلم وصخره بيت المقدس وغيرها من البقع الفاضله. même ces endroits, مثلا مقام ابراهيم à côté de الكعبه. وبعض الناس فوزا سوكيزون في الحج أو العمرة, بعض الناس بسبب الجهل يتبركون يسسوي, بعضهم يسسوي leurs vêtements أو سكي portent sur la tête أو يزمبراس. لماذا؟ لأن سي أن أندروي كي أ أون فضيلة. إبراهيم إلتي أ سيت بلاس, لكن هم يزونفيغ أن باب شر أنهم يتبركون. لا يوجد أوكان دليل. ميم الكعبة, الكعبة قبلة المسلمين, أنا فضل عظيم عند الله, لكن أنا بلدو أن التبرك به بجدرانها avec ses murs. أما الجهال فربما quand ils approchent le Kaaba يتمسحون إلى آخره. Tout ça c'est pas من السنة أبدا, بل c'est un باب عيادا بالله, c'est une wassila la shirk l'akbar. S'il pense que le mur, même si c'est de la Kaaba, il peut lui profiter ou lui repousser un mal, هذا c'est très très grave. الكعبة est مخلوقة, c'est une créature. مقام إبراهيم il est مخلوق. الصخرة le rocher كذلك qui في بيت المقدس الأقصى كذلك il est مخلوق. On n'a pas le droit نتبرك به أبدا. قال وأما استلام الحجر الأسود, وهذا سطيب. Il nous a résumé le bab أنه ça peut être du shirk أكبر. Il nous a mis en garde contre التبرك الغير المشروع. Il a donné des exemples, que ce soit avec مقام إبراهيم, que ce soit avec حجرة النبي صلى الله عليه وسلم. حجرة النبي صلى الله عليه وسلم, ceux qui ont fait الحج والعمرة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم, بعضهم يتبركون وربما avec les murs الى اخره. لماذا؟ لان c'était l'endroit où il y avait les appartements du prophète صلى الله عليه وسلم. وبعضهم tu les vois انهم يسسوي leurs vêtements الى اخره. alors que là لا يجوز, لا يجوز, c'est des briques, c'est de la faïence, il y a aucune baraka في هذا الشيء. البركه اللي في اتباع السنه, ان tu fais الصلاة في المسجد النبوي, تان أجر عظيم. أن تويكوت لدروس دو أهل العلم في المسجد النبوي ستستفيد. أن تأبلك المناسك الحج والعمرة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم, خذوا عني مناسككم, سي البركة. أما سي سوي افيك لي ميغ إلى آخره, هذا سي من الجهل. ثم السيت اون ديرنيغ مسألة بور كونكلور, استلام الحجر الأسود. On peut se poser la question, الحجر الأسود, la pierre noire qui est في الكعبة. قال وتقبيله واستلام الركن اليماني, c'est le coin qui est juste avant الحجر الأسود. quand tu fais الطواف, tu places la Kaaba à ta gauche, donc tu fais le tour, et le dernier coin avant الحجر الأسود c'est الركن اليماني. من الكعبة المشرفة, فهذا عبودية لله والتعظيم لله والخضوع لعظمته, فهو روح التعبد. هذا سنتنبه طيب, لأن بعض الناس يكون يقولون مثلا, mais vous aussi quand tu vas al hajj ou al umra tu touches la pierre noire. c'est pas pareil. لماذا؟ لأن toucher la pierre noire, on a un سبب شرعي, on a un دليل من النبي صلى الله عليه وسلم أن يا أجر عظيم. فلهذا nous si on fait cette chose c'est تعبدا لله. on a aucune croyance en أن الحجر il peut donner ou enlever. وهكذا toucher الركن اليماني. c'est pour ça que عمر رضي الله عنه قال أنه s'il n'aurait pas vu النبي صلى الله عليه وسلم toucher la pierre noire, embrasser la pierre noire, il ne l'aurait jamais touché, il ne l'aurait jamais embrassé. ça montre أنه c'est un تعبد محض, أمهم pourquoi ils touchent les tombes et ils se frottent aux tombes إلى آخره. Est-ce que c'est تعبدا لله؟ لا، لأنه لا aucun دليل. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. Ils ont aucune preuve. لماذا ils le font؟ لأنهم ils ont العقيدة أن la tombe أو le mort il peut leur donner أو repousser un mal. فهي فرق كبير. قال هذا تعظيم للخالق وتعبد له وذلك تعظيم للمخلوق وتأله له. صحيح. Cheikh Saadi rahmatullah alayhi يقول هنا أن toucher la pierre noire c'est adorer Allah subhanahu wa ta'ala. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم il nous a montré qu'il fallait le faire si on pouvait, c'est une sunnah. أما التبرك بالأشجار والأحجار والقبور c'est une adoration pour autre qu'Allah. Bien sûr le tafsil الذي تقدم. قال فالفرق بين الأمرين كالفرق بين الدعاء لله الذي هو إخلاص وتوحيد والدعاء للمخلوق الذي هو شرك وتنديد. كلام جميل. La différence entre ceux qui touchent la pierre noire ou le coin yémini dans la Kaaba et ceux qui يتبركون بالقبور والأضرحة والميتين الصالحين, c'est comme la différence entre ceux qui invoquent Allah et ceux qui invoquent autre qu'Allah. C'est la même chose. والله المستعان. كلام جميل للشيخ سعدي. بهذا انتهينا من هذا الباب المهم. ريفيزي et apprenez-le pour ceux qui ne l'ont pas encore appris. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. Et on passe à notre deuxième درس بإذن الله عز وجل.